péter un câble, frère. Certains se tapent et se cassent pendant que je pollue l'atmosphère. Nous valons trop de fric, je peux dire qu'il y a trop de fric. Nos ex sont trop petites sur scène, tout ça qu'on se prostitue. On se tape et c'est trop dur, gérer sa douleur. Ce monde est devenu sombre depuis qu'on parle de couleur. Pourquoi se différencier les uns des autres, yeah. Tu serais pas indécis si tu ferais partie des nôtres. Faut le courage de mon petit rêve depuis son arrivée en France. Pour effacer mes problèmes depuis ma tendre enfance. Faut dire que je m'enfonce, des fois je m'efface. Parce que cette chaîne de vie m'a laissé trop de traces. Entre paillettes et strass, on voit les stars tomber à terre. Moi j'ai toujours été là, comme Ronnie envers son frère. Le courage de Mirza, Stickman entre quatre murs. Ça, la chance ne sourit plus depuis que la galère s'installe. Quand la vie ne nous sourit plus, il faut garder la tête haute. Ne pas se dire qu'on n'existe plus, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Je ne laisserai jamais les bras, c'est ce que les gens attendent de moi. De prouver que je peux y arriver, que je sois seule ou accompagnée. La tête sur une autre planète, optimiste comme Scorsese et Black Snake. Faut mettre des coups de tête, la garder haute comme Greg ou Bruno. Ne pas se laisser marcher sur les pieds comme Pierrot. On joignir sur un mur, j'en place une au graffeur. Torca sera toujours là, tu as ma parole d'honneur. Des fois faut que je me casse, des fois moi je dépresse. Des fois je trépasse, des fois je délaisse. En tournée avec l'équipe pour faire kiffer la France. Charco platine, Rachid pour la cadence. Comment vous prouver le plaisir que j'éprouve à écouter Yasmina quand elle lance un son groove. Quand elle lance la promo, quand y'a du monde partout. Danger jusqu'à Paname, tu sais qu'on repart tous sans se mentir. Ici la police nous allume, on se rend compte qu'on aime un proche souvent après une bavure. Quand la vie ne nous sourit plus, il faut garder la tête haute. Ne pas se dire qu'on n'existe plus, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Je ne laisserai jamais les bras, c'est ce que les gens attendent de moi. De prouver que je peux y arriver,